Docteur de Jean des troupes coloniales, 69e bataillon sénégalais, secteur 167. Le 4 juin 1917. Bien chers parents, me voici de retour au front après une halte à Paris où j'ai vu l'oncle Maurice. Il m'a invité à aller chez lui et m'a amené au théâtre de la Comédie-Française où nous avons assisté ensemble à une pièce d'Alfred de Musset intitulée « On ne badine pas avec l'amour ». En ce moment, Paris est, semble-t-il, aussi actif et vivant qu'en temps ordinaire. Tous les théâtres sont ouverts et jouent tous les soirs. Il y a un va-et-vient dans les rues aussi important qu'en temps de paix. Malgré cela, les esprits sont inquiets au sujet de la décision que va prendre la Russie, qui est un sujet constant d'angoisse. Si elle tourne du bon côté, la guerre sera bientôt terminée à notre avantage. Quant aux grèves, dont il a été question dans les journaux, elles diminuent beaucoup et vont cesser bientôt sans doute. J'ai demandé à notre député une carte d'entrée au Palais Bourbon, qu'il m'a donnée fort aimablement, quoiqu'il ne m'ait jamais vu. Je l'ai remercié. Il m'a demandé des renseignements sur la famille, sur Joseph en particulier. Il savait que Pierre a été malade parce qu'il a un enfant dans la même pension. Je n'ai pas assisté à une séance bien intéressante, mais j'ai vu la chambre des députés et le genre, la façon dont ces messieurs discutent. Je suis en ce moment dans un lieu tranquille. Donnez-moi des renseignements sur ce que vous faites. Avez-vous acheté des taureaux et des génisses ou des vaches? Il y a intérêt à faire ces achats tout de suite. Je vous dirai que je me suis occupé d'acheter une pompe de jardin, mais elle se vend au prix de 435 francs. Si vous me donnez votre assentiment, je l'achèterai malgré la hausse des prix. J'ai vu le vendeur, j'ai choisi le modèle. C'est une pompe aspirante et foulante pour distribuer l'eau d'un puits sur le sol en jet ou en pluie. Il y aura 12 mètres de tuyautage que l'on peut mettre en avant ou en arrière du corps de pompe. La pompe se manie facilement avec un levier. C'est évidemment très commode pour l'arrosage de nos trois jardins, car elle est montée sur roue et peut se mobiliser facilement. Je vous embrasse de tout cœur, ainsi que toute la famille. Je pense qu'Henriette vous a conté tout ce que nous avons fait à Saint-Affrique. Charles.